Mardi 21 janvier, bienvenue à cette première émission de l'aérospatiale de l'an 2014. Julie Gagné qui est très contente d'être de retour parmi vous jusqu'au printemps. Donc, pour cette émission, aujourd'hui, on reçoit Tania Gérard-Savoie qui viendra nous parler de son exposition « Variété de lieux, de mondes et d'espaces possibles » qui est présentée chez Engram. Fanny Hénon-Lévy est allée faire un tour au parcours La Corriveau au Musée national des beaux-arts du Québec qui organisait le tout en collaboration avec le printemps des poètes. Donc, il y avait 4 auteurs qui écrivaient des textes autour de la Corriveau avec des œuvres de José Landry Sirois et de Frédéric Laliberté. Il viendra nous en parler. Également, comme à chaque année, on traite de l'exposition Banc d'essai qui présente le travail d'étudiants prometteurs en arts visuels à la Galerie des arts visuels, bien entendu. Donc, pour en discuter, Anne-Marie Amiot, Christophe Barbeau, Vincent Fournier et Marc-André Jésus. On les reçoit tous les 4. C'est quand même assez rare, donc on en est bien content. Également, Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et le tout sera ponctué des sélections audio de Simon Roy. Simon qui peut pas être là parmi nous pour cette première émission, mais il nous a quand même fait une sélection. On écoute Weird Tough, l'album Out of Control, et on écoute tout de suite un premier extrait de la pièce Pantoufle Scaffold. Et voilà, j'ai devant moi Raymond Poirier qui nous fait sa première revue de presse de l'année. Bonsoir Raymond. Bonsoir Julie. Que se passe-t-il? Ben en fait, c'est tranquille, évidemment. On revient tranquillement en selle. La grosse nouvelle, si on se limite à Québec en ce début d'année, c'est évidemment Regard qui accueille une nouvelle directrice générale et artistique en la personne d'Amélie Laurence Fortin. Donc, va remplacer le poste qui était occupé jusqu'à 2009, depuis 2009 en fait, par Annise Griffon. Amélie Laurence Fortin, donc qui, dit-on, détient une maîtrise en arts visuels, est une artiste multidisciplinaire. On en a déjà parlé ici à l'aérospatiale du point de vue de sa pratique. Elle est active depuis 2003. Alors, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'elle va offrir du côté de Regard, là, à la direction artistique notamment. Alors, ce sera à suivre. Elle va prendre ses fonctions en février prochain. Mais on lui souhaite bien du plaisir. Moi, je serais contente de savoir que c'est elle. Puis peut-être en même temps, on pourrait remercier Annise Griffon pour son travail parce que quand même, elle a fait beaucoup pour Regard. Oui, avec notamment le déménagement aussi qui a réactualisé peut-être un peu la galerie qui l'a mieux positionnée. Qui l'a rendu accessible. Oui. En tout cas, on n'a pas à monter une grosse côte. Oui. Alors, en fait, il y a un beau travail qui avait été accompli. Ce serait intéressant de voir justement si l'essor, ben, on réussira à le poursuivre parce que je pense qu'Annelise Griffon a mis en place des très, très belles bases pour Regard. Voilà. Je fais un petit peu de rattrapage. C'est sorti fin décembre. Je voulais simplement le mentionner vite fait, simplement pour dire que l'École des arts visuels de l'Université Laval et la Faculté d'aménagement d'architecture, d'art et design ont signé en fait 3 partenariats avec 3 centres d'artistes autogérés de Québec, donc Avatar, la bande vidéo et la Chambre Blanche. L'idée est évidemment d'amener ces centres-là à pouvoir recevoir des étudiants. L'idée est de permettre à ces étudiants-là de pouvoir aussi profiter des infrastructures de ces centres d'artistes. Alors évidemment, tout ça dans l'optique que la relève en arts visuels qui est formée à l'Université Laval puisse profiter des centres, puisse participer aussi peut-être à la belle ébullition qui est en arts visuels ici à Québec. C'est en même temps une belle manière d'implanter l'école dans son milieu. Et sinon, petite nouvelle qui est sortie tout récemment, la chaîne culturelle Art TV va présenter l'automne prochain, donc on est déjà rendu à l'automne 2014 en planification, une télé-réalité bâtie autour de l'art contemporain québécois. Donc ouais, ça c'est étrange, hein? C'est un peu étrange. En fait, l'émission Artistes à l'œuvre qui va proposer cette émission d'une heure qui vont documenter le cheminement créatif de 6 artistes de la relève appuyés par 6 mentors professionnels. On parle entre autres d'artistes comme David Almedge ou Isabelle Ayer. Il y a une bourse qui est au bout de ça. Il y a une exposition au musée d'art contemporain. Est-ce que ce sera un peu dans la lignée de Work of Art qui est offerte en version anglaise dans certaines chaînes spécialisées? Est-ce que ce sera une version québécoise de ça? Est-ce que ce sera autre chose? Parce que la question du mentorat aussi. Alors, il n'y a pas vraiment de détails sur le concept autre que ça, mais je suis curieux quand même de voir ce que ça va donner. Ouais, moi aussi, je suis curieuse. J'ai déjà vu des critiques là autour de ce concept-là. D'ailleurs, si vous avez une opinion, vous avez envie de la partager, vous pouvez nous écrire sur notre site l'aérospatiale.wordpress.com ou également nous écrire sur notre mur sur Facebook. On se trouve aisément. Sinon, nouvelle un peu plus triste, en début d'année, peut-être aviez-vous entendu parler du magazine Fuse, qui était l'une des publications canadiennes qui avait duré le plus longtemps en termes d'art alternatif et de publication, et qui étant dédiée, eh bien, 2014 sera sa dernière année de publication pour des raisons budgétaires principalement. Alors, il y aura une avant-dernière édition qui sera lancée incessamment ou qui l'a été incessamment, une deuxième qui sera lancée en septembre, qui sera la dernière, donc une rétrospective de ce magazine-là, qui a été initié en 1976 et dit-on qui a été d'ailleurs une plaque tournante quand même assez importante pour offrir des plateformes à certains artistes, à certains critiques. On mentionne évidemment plusieurs noms incontournables peut-être un peu de la scène canadienne aujourd'hui. Alors on souligne évidemment dans une rétrospective assez bien faite sur Blouin Art Info justement l'impact, l'intérêt de ce magazine-là. Donc si vous le connaissiez pas, mais ce sera une opportunité de le découvrir et de le découvrir aussi dans la mesure où eux vont essayer de rendre aussi disponible sur le web une rétrospective de leurs articles. Donc s'assurer que les archives persistent parce que dans le fond, d'une certaine façon, ils ont fait l'histoire de l'art contemporain canadien là, depuis 76. Autre nouvelle, je suis tombé là-dessus sur Libération, je trouvais ça assez intéressant. En fait, c'est une réflexion sur l'échange d'œuvres entre institutions et les négociations qui l'accompagnent. Et ce qu'on dit, en fait, on a peut-être l'impression qu'il y a une certaine facilité à ces échanges-là, alors qu'au contraire, dans certains cas, c'est plutôt extrêmement difficile, même infernal pour certaines expositions. C'est des qualificatifs qui sont utilisés. On y va avec quelques exemples d'expositions qui ont lieu en janvier actuellement et qui ont subi en fait des blocages qu'on qualifie de grandissants d'un système qui est peut-être à bout de souffle. Notamment, enfin, on donne l'exemple d'une exposition du musée de Reverto, donc qui essayait de présenter une rétrospective autour notamment de Piero della Francesca, un artiste sicilien, et ils ont pu avoir aucun tableau de cet artiste-là parce que la Sicile refusait de les prêter, donc le musée voulait pas les voir sortir. Le Louvre aussi qui a difficulté à aller chercher des œuvres d'artistes italiens, les musées italiens qui, dit-on, se prêtent à d'âpres marchandages pour autoriser les prêts, parfois même à coup d'enveloppe cash ou de surfacturation sur les assurances, sur les frais de transport. Sinon, on parle d'autres exemples du côté de New York, le Metropolitan, qui avait aussi essayé d'aller chercher à la Sicile des œuvres et qui ont été finalement interdites de sortie in extremis alors qu'il y avait eu entente, etc., etc. On donne des exemples aussi de l'Argentine qui n'ose plus faire sortir ses œuvres parce qu'il y a des problèmes au niveau des finances du pays qui font que les œuvres pourraient être saisies par les créanciers elles sortaient du pays, des choses comme ça. Alors, les chroniqueurs de Libération disent, mais est-ce qu'on devrait peut-être éventuellement y aller avec un organisme qui serait chargé de gérer internationalement les prêts entre musées, de gérer les garanties, d'avoir un système un peu plus standardisé parce qu'il y a visiblement des dérives à travers tout ça. Quand même, hein? Voilà. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vendredi, la vie en BD? Oui, toujours. Et on va parler de l'architecture des villes qui pourrait peut-être limiter les libertés individuelles. Voilà, donc c'est à ne pas manquer. Vendredi, 17h30. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute Toothbrush Tune. Thank you. Toujours à l'aérospatiale, on entendait un extrait de la pièce Toothbrush Tune de Weird Hoff, tiré de l'album Out of Control. C'est une suggestion de Simon Roy, d'ailleurs, que vous pouvez écouter les dimanches soirs à CKRL, l'émission Web Musique. On s'en va faire un tour à la Galerie des Arts Visuels qui nous présente sa 9e édition de Bande d'essai qui regroupe des œuvres d'artistes d'étudiants, en fait, artistes habituellement assez prometteurs, là, donc au baccalauréat en arts visuels. Parmi ceux, ben, ils sont tous là, c'est quand même une occasion assez rare. Habituellement, il en manque tout le temps un ou deux. Donc, j'accueille Christophe Barbeau. Bonjour. J'accueille également Vincent Fournier. Allô. Anne-Marie Amiot. Bonjour. Et Marc-André Jésus. Bonjour. Ça va bien? C'est votre première expérience radio, je crois? Première, deuxième, donc on est quand même là, on est quand même dans les débuts. Dites-moi, je lance la question à tous là, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été sélectionné pour Bande d'essai, parce que c'est quand même, vous devez avoir été plusieurs à avoir soumis vos dossiers. Ben vas-y Marc. Ben je pense qu'on est plusieurs étudiants, puis je pense que c'est vraiment une chance pour nous dans le fond d'exposer dans un contexte professionnel. Ouais, donc ça a vraiment été agréable d'être reçu par Lisanne dans la galerie, puis de nous proposer cette galerie-là, qui est quand même vraiment une belle galerie, puis une grande galerie. Mais donc oui. C'est vraiment, ça a été tout un défi vraiment d'agrémenter cette galerie-là de notre art. Ben oui, c'est ça, parce que là, vous avez, j'imagine, participé vraiment à toutes les étapes, là, de la même manière que vous exposeriez dans un contexte professionnel, donc la mise en place, la sélection des œuvres, etc. Comment ça s'est passé, tout ça? Parce que vous avez quand même quatre approches assez différentes. Étrangement, ça s'est tellement bien passé. Ah ouais? On était toutes prêts, je pense, mardi, tout était installé, mardi après-midi, on était vraiment... En une seule journée, tout le montage a été fait, ça a super bien été, en fait. Puis, pour ce qui est de la sélection des œuvres, ben, ça a été en aide avec Lisanne, en fait. Puis, on a discuté de qu'est-ce qu'on allait présenter. Puis, pour ma part, je suis assez satisfait, étant donné que j'ai présenté un corpus d'œuvres qui était totalement nouveau. Donc, c'était pas quelque chose qui avait été évalué par le jury, mais qui m'a vraiment aidé, puis dirigé pour sauter un peu. Puis présenter pour se lancer, ouais, finalement, se lancer, puis y aller à fond. Vous faites tout signe que oui, Anne-Marie, ça a été un peu la même chose pour toi? Oui, c'est ça. Puis à commencer avec la sélection des photos, moi, j'en avais beaucoup. Puis ça a vraiment permis là, de faire une série qui était cohérente, puis qui allait vraiment mettre en valeur ce dont j'avais à dire, ce dont j'avais à présenter avec quelqu'un qui avait vraiment un regard sur ça, vraiment très, très affiné. Très intense, oui. Parce que là, on dit Lisanne, en fait, mentionnons-le, c'est Lisanne Nadeau qui est la directrice de la Galerie des arts visuels. On l'a déjà reçue ici à quelques reprises. J'aimerais peut-être que vous me parliez un peu de vos productions individuelles. Si vous voulez, peut-être je me lancerai avec Christophe. Tiens, tu travailles dans une approche assez conceptuelle sur l'idée de la représentation. Oui, exactement. Je t'écoute. En fait, effectivement, pour ce que je propose à la galerie, j'ai sélectionné un ensemble d'objets que je trouvais tous conceptuellement intéressants. Donc, c'est pas nécessairement l'expérience esthétique qui dominait dans cet objet-là. C'était, en fait, au moment où est-ce qu'on commençait à penser à cet objet-là, se demander c'est quoi cet objet-là, puis comment ça fonctionne, c'est quoi sa logique. Donc, c'est toutes des caractéristiques qui sont conceptuelles et non nécessairement plastiques ou esthétiques. Puis tu travailles aussi à détourner finalement la fonction, le sens de ces objets-là. Pour certains, je le détourne. Pour d'autres, je l'amplifie. Donc, en fait, chacune des pièces ont une logique propre à elles. Puis, je dirais que oui, c'est pour certaines pièces, c'est assez... Par exemple? Par exemple, je présente un trio de champignons. Qui sont en fait des champignons Portobello, des champignons café, puis des champignons de Paris. Puis donc c'est inusité si on veut jusqu'à un certain point de présenter ça en galerie. Bon, ça dépend pour les personnes qui sont habituées ou pas avec le domaine des arts contemporains, mais tout de même c'est quelque chose qui est un peu surprenant à première vue. Mais bon, bref, moi je le présente puisque en soi c'est le même type de champignon sauf à trois maturités différentes. Ouais. Donc c'est à ces niveaux là de donner un nom à chaque fois à quelque chose qui est la même, en fait, qui est la même essence, mais qui est juste dans un temps différent. Donc ça m'intéresse, la relation au langage. Puis c'est des questions relativement plus philosophiques dans un sens. Mais tu parles de temps différent. Je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que moi, quand j'y suis allée, les champignons commençaient déjà ils en viennent rattraper en termes de temps. C'est ça, mais en même temps, ils sont un peu figés. Donc étant donné qu'ils ne sont plus en racine, disons qu'ils ne maturent plus. Ouais. Donc, ils ne changent pas d'état. Mais là, maintenant, ils vont juste définitivement sécher, puis éventuellement devenir poussière. Mais bon. On se rendra probablement pas là dans le contexte de l'exposition. As-tu l'intention de les conserver? Oui. Ouais. Effectivement. J'en ai vu un qui avait du champignon qui poussait dessus aussi. Ouais? Donc là, il y a peut-être une réitération intéressante aussi au point de vue conceptuel. Ah ouais, donc ça va être. Ça, c'est un inattendu. OK. Mais ça va être à suivre. De toute façon, l'inattendu en art, je pense que vous êtes tous d'accord que c'est souvent un moteur assez fort de création. Je vais vers toi, Vincent. Toi, tu travailles plus le collage, la peinture quand même, un travail très coloré, d'une grande simplicité. Peux-tu nous présenter un peu ce que tu exposes? Mon travail consiste en fait de faire des dispositions un peu de matières, de couleurs, puis un peu dans un arrangement ludique quelquefois. Puis j'aime bien explorer un peu toutes les matières possibles qu'on peut utiliser soit dans la picturalité ou dans la sculpture, dans le côté sculptural. Puis, je crois que Lisanne a respectueuse de mon travail parce qu'elle a fait une sélection, puis c'était des travaux qui me tenaient à cœur. Ouais, ouais, ouais. Puis, je crois que c'est pas mal ça. C'est plus des œuvres qui sont esthétiques puis formelles. La couleur prend quand même une grande place. Oui, c'est très importante parce que c'est des relations que je fais, soit de luminosité ou par contraste. Puis c'est une majeure partie du travail. Tu parles de contraste. Moi, j'en ai vu un entre les œuvres où il y a de la peinture. Donc, tu as probablement vidé la peinture qui a figé. Je ne suis pas trop sûr de la technique. C'est une résine acrylique qui donne l'aspect de l'eau un peu. OK. Donc, sur le papier qui, lui, est mât, qui est fin. Donc, moi, j'ai vraiment vu comme un beau contraste là, à ce niveau-là. Les textures également. Donc, l'illustré versus le mât, j'imagine, c'est quelque chose aussi à quoi tu avais pensé. Oui, c'est voir la relation entre les deux aussi, avec le papier aussi. Anne-Marie Amiot, de ton côté, t'as fait un voyage en Ukraine en 2012. Puis les photographies que tu exposes à Banc d'essai sont donc des photographies tirées de ce voyage-là. J'imagine que t'as dû avoir un choc quand même. Hein? Le regard que tu portais sur le quotidien devait être assez différent. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est des photos d'objets, de choses qui se retrouvaient dans mon environnement, qui étaient à la fois très simples, mais qui se dégageaient quelque chose de singulier, comme ça. Puis une fois sortis de leur contexte, qui, je pense, gagne beaucoup en sens. Puis, ben c'est ça, dans le fond, le travail de sélection des photos, ça m'a encore fait rendre compte à quel point qu'une photo intéressante, en fait, ça tient à peu de choses. Que, par exemple, j'ai une photo où on voit des poissons dans un évier. Puis, dans une passoire, là, dans l'évier, sur le bord d'être rincé ou qui viennent juste de l'être. C'est ça, tu sais. Puis, je pense pas, s'il n'y avait pas eu ce vert bleu-là avec ce petit chiffon jaune-là, il y aurait eu ce quelque chose un petit peu de magique qui serait arrivé dans la photo. Fait que, dans le fond, ce voyage en Ukraine-là, ça m'a permis aussi d'être dans un environnement qui m'a permis d'être plus sensible à ces petites manifestations-là qui se passait. Puis ce sont pas des mises en scène, c'est vraiment juste de capter des moments, des choses qui m'apparaissaient être particulières, intéressantes comme elles sont, puis aussi de mettre en valeur beaucoup les champs colorés, moi j'appelle. Ouais. Dans la photo, on retrouve beaucoup des ponctuations de couleurs. Puis c'est aussi ce qui a guidé le cadrage serré qu'on retrouve pas mal dans les 6 photos. Ce que j'ai trouvé aussi en regardant tes photographies, c'est qu'il y a quelque chose comme de la contemplation, de la nostalgie ou de la poésie du quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que tu poursuis dans ta pratique actuelle? Oui, oui, c'est très bien dit. Mais en fait, moi, cette expérience-là en Ukraine, ça m'a vraiment portée à réfléchir sur ça puis à être attentive à ces choses-là. Puis je pense que maintenant... De retour à Québec, ça suit. Je pense que j'ai beaucoup appris à regarder dans mon environnement les choses qui étaient là. Puis ça peut se faire n'importe où. Il y a des belles choses partout. Puis c'est un peu ça, en fait, la photographie. Tout comme l'art aussi, j'imagine. Donc, t'as affiné ton regard d'artiste à travers ce voyage-là qui a agi peut-être comme un catalyseur pour ta démarche. Oui, oui, je pense que c'est... C'est très bien dit aussi. Bon, voilà, je m'exprime. Et Marc-André Jésus, avec ton travail, on est aussi en photographie, mais là, on est vraiment dans un tout autre ordre, puisque toi, tu t'intéresses au portrait. Mais il me semble y avoir quelque chose, une confrontation dans tes portraits, dans le regard. Tantôt, tu as parlé de catalyseur, puis moi, je pense que ce sont mes modèles qui sont mes catalyseurs. Puis vraiment, c'est des gens de mon entourage qui je pense, qui sont... le moteur de ma création, puis ce sont eux qui en fait définissent un peu ma photo, puis je pense aussi que c'est des gens qui, je pense, je m'en vais n'importe où, là, excusez-moi, mais je pense que ce sont des gens qui sont riches d'un bagage, puis je pense que dans mes photos, ça se ressent, donc peut-être que c'est une provocation, mais c'est que j'ai voulu, dans le fond, montrer des moments vulnérables de ces gens-là, donc puisque je les connais, j'arrive à cet état-là de la pause, là, de rendre ça vulnérable. Quand je parlais de confrontation tout à l'heure aussi, ce que je me disais, c'est que je les voyais, ils regardent. Il me semble que les modèles regardent tous l'objectif. Oui, ils nous regardent, oui. Puis ils ont l'air de se savoir exposer au regard et de dire « ouais, puis ». Oui, probablement. Puis aussi dans la vraie vie, je pense que ce sont des modèles assez forts. Là. C'est pour ça que j'arrive à les vulnérabiliser de toute manière. Mais oui, je pense que ça fait partie de mon travail. Puis, tu as choisi de les faire quand même en assez grand format. Hein? Oui, oui, c'est pour plus moi, grand que, plus oui, grand que nature. Mais pour moi, c'est vraiment important de faire de travailler en grand format. Je travaille avec une chambre photographique qui me permet justement d'explorer des grands formats comme ça, mais sans négliger la qualité là, de l'image. Mais moi, je pense que le grand format, ça a un impact qui fait partie de l'impact que mes modèles ont dans la vie. Là. Que j'essaie de traduire. Donc, d'une présence d'autant plus grande qui s'impose, c'est ça, par le grand format. L'entrevue s'achève déjà. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Ce qu'on voit en ce moment à la Galerie des arts visuels, est-ce que c'est représentatif d'avenues que vous cherchez tous à continuer à explorer ou vous vous sentez encore, bon, on étudie au bac, on se laisse quand même là, des portes plus ouvertes? Ben, je pense en tout cas que je vais toujours faire de la photographie, mais je sais pas si ça va être dans cette avenue-là. J'ai comme le but d'avoir de la couleur dans mon travail, peut-être que... Oui, parce que là, on est en noir et blanc. En noir et blanc, mais on va voir. Christophe? Pour moi, c'est quelque chose que je suis vraiment, vraiment content d'explorer en ce moment. Est-ce que ma pratique plus tard va ressembler à ça? Je peux malheureusement pas dire, Mais ça serait vraiment dans ces, plus dans ce style de présentation de, d'art qui m'intéresse, en fait. Donc, Vincent, oui? Je ne peux pas dire pour le moment, parce que c'est un peu exploratoire ce que je fais. Mais c'est, j'ai souvent des thèmes récurrents là, dans ma pratique. Donc, si je comprends bien, vous êtes étudiant en art, donc il y a encore beaucoup à découvrir, de même qu'il y a beaucoup de vous à découvrir, mais déjà, vous avez comme des leitmotivs ou des intérêts qui commencent à s'affirmer, finalement. Exact. Voilà. Ben, ça va être à suivre, hein, parce que là, vous êtes en quelle année là, de formation? J'ai oublié de vous demander. Deuxième. Vous êtes tous en deuxième année de formation, donc là, il vous en reste encore deux. On aura l'occasion... Excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ben c'est oui, hein, je sais pas pourquoi je pensais que c'est 4 ans. Voilà, merci de me repréciser, ça fait trop longtemps. Donc, il vous reste une année, on aura l'occasion de vous voir à l'exposition des finissants. Puis si jamais vous avez d'autres projets en cours, ben faites-nous signe à l'aérospatiale, ça nous fera plaisir. Donc, Anne-Marie Amiot, Christophe Barbeau, Vincent Fournier et Marc-André Jésus, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, merci. Bande d'essai est présenté à la Galerie des arts visuels jusqu'au 9 février. C'en est d'ailleurs la 9e édition. Donc voilà, on fait une pause. Au retour, on discute avec Fanny et non Lévy. All aboard heaven when I die. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. Moimulti.org. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527 80 97 ou au cpcq.ca. Soyez au fait des sorties cinéma et DVD à Québec. Écoutez chaque jeudi matin à l'émission Les Matins éphémères, les critiques et suggestions des nouveautés cinématographiques avec Pierre Blais. Cette chronique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. En janvier, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 15 janvier, les aventuriers voyageurs au Costa Rica. Le 23 janvier, l'Opéra National de Paris, Aïda. En 2014, offrez-vous le rire et le suspense et procurez-vous la carte d'abonnement de 9 films au prix avantageux de 70,95. Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale pour cette deuxième et dernière demi-heure de l'émission. J'y ai gagné toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde, et je suis à l'instant rejointe par Fanny et non Lévy. Bonsoir Fanny. Salut Julie, ça va? Ça va bien toi? Super bien. Écoute, je t'ai envoyé, puis tu t'es très proposé aussi de par toi-même d'aller voir le parcours, j'appelle ça un parcours, je sais pas si c'est un parcours. La Corriveau, donc qui était présenté le 15 janvier au Musée national des Beaux-Arts. Oui, mercredi dernier, un événement multidisciplinaire proposé par le Printemps des Poètes, qui était vraiment assez intéressant, qui se donnait dans l'ancienne prison de Québec, donc au Musée national des Beaux-Arts de Québec, au pavillon Charles Baillarger. Et puis, je le dis tout de suite, on aura l'occasion de leur dire après, les œuvres de l'artiste José Landry Sirois seront présentes jusqu'au 9 février avec pour écoute les œuvres de Frédéric Laliberté en art audio. Donc ça c'est dit. Donc on le comprend. La Corriveau porte bien son nom. On est autour de la thématique de l'icône, j'ai envie de dire, de Marie-Joseph Corriveau, qui est, pour ceux qui connaissent pas la légende et qui sont pas au fait de l'histoire de cette femme-là, a été condamnée et pendue il y a 250 ans maintenant. Et n'a jamais cessé de nourrir l'imaginaire collectif et d'alimenter les récits et le mythe féminin de la tueuse d'hommes. Ouais, ouais. Alors ça part de cette, on peut dire anniversaire, j'aime pas tellement ça, mais en tout cas c'est une commémoration. Ouais. On commémore la mort de cette femme-là en plaçant un thème autour de l'enfermement. Donc le Printemps des Poètes et notamment Isabelle Forêt, qui en est sa directrice artistique, lance un appel à des auteurs, à une artiste visuelle et à une artiste en art audio, autour d'une rencontre de femmes incarcérées. Alors elles sont dans un centre de détention à Québec et elles suivent la formation du centre d'éducation des adultes, et une rencontre se fait entre ces femmes auteurs, des espèces d'ateliers de j'aime ce mot rencontre, parce que c'est des discussions ouvertes. C'est une création, une co-création autour de sensations, autour d'histoires racontées, autour de leur féminin au quotidien dans ce milieu carcéral. Donc de là naît des textes qui sont uniques, puisque c'est des créations pures et autour de cette thématique-là. Et évidemment, ce parcours multidisciplinaire et déambulatoire auquel j'ai assisté mercredi dernier. Alors, on dit multidisciplinaire parce qu'on a la littérature, on a de la poésie, on a les arts vivants, on a les arts visuels. Donc, il y a tout ça, tout ça vient se mêler. Le public est invité dans les cellules à partager avec les artistes un moment d'intimité. On ferme la cellule, on nous met en plein dans l'ambiance, hein. Nous-mêmes on devient enfermé, pris au piège dans ces cellules. Ça ajoute vraiment à l'expérience. Ça ajoute énormément, avec la porte en fer qui grince. À l'étroit, on est un petit groupe de 10, la chaleur se fait sentir, les bruits. Ah oui, donc dans les plus grandes cellules, mais 10 personnes dans 10 ces personnes, c'est la tension était palpable, et les textes sont très chargés de ces rencontres-là, et aussi parce qu'on a des artistes de très haut calibre, comme Hélène Matt, comme Sylvie Nicolas, Valérie Forgue, Isabelle Forêt, je l'ai dit tantôt, qui sont quand même des artistes reconnus à Québec. Donc ce sont 4 cellules, dans le fond, qui étaient occupées par chacune des auteurs. On a 6 cellules. La première, c'est José Landry Sirois qui nous accueille, qui nous met un peu en contexte de son travail de création qu'on va retrouver au fil des cellules. Okay. Donc dans chaque cellule, on a des œuvres que vous pouvez aller voir encore jusqu'au 9 février. Je vous invite à y aller. Et Frédéric Laliberté, qui a fait un dispositif audio et un montage audio de prise de son en milieu carcéral, mais aussi de textes travaillés, lus par les auteurs et son mix. Bon, elle travaille, elle a fait une mixture qui va durer à peu près une dizaine de minutes. C'était pas encore en montage, mais c'est ce qu'elle m'a précisé. Okay. Donc, dans chaque cellule, on était invité à rencontrer ces artistes-là de façon très très intime, mais aussi rentrer dans leur compréhension de cette thématique, l'enfermement, mais de cette rencontre là avec ces femmes incarcérées. Alors évidemment chacune son expression, chacune sa force et son et sa vigueur. C'est ce qui est intéressant, c'est que bon, Hélène Matte récitait son texte, je dis récitait, mais elle le chantait quasiment, une espèce de prière, une litanie. Ah là là, c'était extraordinaire, parce que quelle que soit la cellule dans laquelle tu te trouvais, t'entendais en trame sonore cette espèce de prière ces espèces d'incantations là qui revenaient, qui était presque inquiétante. Et puis le texte, donc tu te mets aussi en condition de quelqu'un qui est dans sa cellule et qui entend son voisin répéter les mêmes affaires toute comme la toute l'aliénation, cette espèce d'aliénation, c'est ça, totalement. Là t'es dans un truc complètement intemporel. C'est assez pénétrant, ça résonne beaucoup aussi. T'as vraiment une musique infernale là, et je pense que c'est ça qu'elles ont créé. Ils ont vraiment réussi dans ce parcours-là, cette espèce de roue qui roule tout doucement là, mais qui te rentre dans le corps. Alors la roue des mots, la roue des textes, la roue des sons de Frédéric, qui c'est cette espèce de couche. Ouais, ouais. Et évidemment, moi, ma lecture de tout ça aussi, c'est le féminin. Je l'ai dit au début, mais que ce soit en référence à cette femme Marie-Joseph qui a porté, on ne sait pas. Là, tu sais, il y a des non-dits, il y a tout on l'a un peu c'est un peu la folle, hein, tu sais, c'est un peu le symbole de la folle tueuse hystérique, et c'est un peu ce qui colle à la peau des femmes aussi, ce qui a collé pendant des générations générations à la peau des femmes, et même encore par moment là, c'est triste, mais bon. Alors oui, il y a le thème de l'enfermement, mais un enfermement physique, un enfermement psychologique, un enfermement intellectuel, mm-hmm. aussi. Il y a tout ça qui est très très très tricoté là. Ouais, c'est quand même bien amené. Après, c'est sûr que sur un parcours et une création comme ça, c'est jamais parfait. Tu sais, il y aurait des choses à améliorer si ça venait à se refaire là, c'est ça. Mais en tout cas, comme je vous disais, aller voir les œuvres, j'aimerais ça savoir un peu, est-ce que les œuvres de José Landry-Savoie, parce que je ne suis pas encore allée de toute évidence, est-ce qu'elles sont vraiment dans la lignée de ce qu'elle fait habituellement, ou on sent vraiment une réflexion plus axée sur cette idée justement de l'enfermement, de la féminité et tout? Ben oui, j'ai envie de dire oui et non. Quand je lui ai posé la question, est-ce que toutes tes œuvres ont été faites après les rencontres, elle m'a dit que certaines de ses œuvres avaient été faites avant, donc on reprend le leitmotiv quand même, et puis les artefacts auxquels elle nous habitue, les croix, les clés, les allumettes, les papiers de, c'est ça, elle est déjà dans la répétition, elle est déjà dans l'enfermement, donc elle a déjà quelque chose, cette aliénation là, c'est pas pour rien qu'on a demandé à José Landry-Savoie. Tu sais, il y a un exorcisme là qui se fait à travers ses œuvres, qu'on retrouve, mais quand même des figures comme le loup, les montagnes, une perspective, la femme qui apparaît beaucoup plus figurative. Il y a de la couleur, il y a un geste très très brut aussi, qui est lié, comme elle me le disait, au sentiment très mais fort, ouais, et à la charge que ça représente, cette rencontre avec ces femmes-là, puis leur histoire. Et donc c'est intéressant. C'est sûr que si j'avais pas eu la chance de la rencontrer, j'aurais peut-être pas réussi à distinguer ce qui a été fait avant, ouais, ouais, mais finalement c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est rentrer dans la cellule et puis rentrer en contact avec avec les œufs, et que vous pouvez y aller, mettre les écouteurs sur les oreilles et puis regarder les œuvres. Je pense que déjà là il y aura une émotion, ouais, c'est ça. Ben voilà, Fanny et non Lévy, merci beaucoup. Ben de rien, Julie. Donc c'est présenté au Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'au 9 février, donc les œuvres de José Landry-Sirois et de Frédéric Laliberté autour de la Corriveau, disons-le comme ça. On fait une pause audio, on écoute Sewing Song, et au retour, on discute avec Tania Gérard-Savoie. Voilà, c'était un extrait de la pièce Sewing Song de We're Tough, une suggestion de Simon Waff. Vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement des pièces qu'on écoute à l'émission sur le site laérospatiale.wordpress.com. L'émission est également disponible en balado-diffusion, et les liens aussi pour la revue de presse de Raymond Poirier sont sur le site, ainsi que les communiqués de presse. Je me tourne maintenant vers Tania Gérard-Savoie. Bonsoir. Bonsoir. T'exposes variété de lieux, de monde et d'espaces possibles à Engrammes. Dans un premier temps, j'ai envie de te poser la question parce que le titre, moi, m'a amené à cette idée d'une cartographie intérieure ou quelque chose comme ça. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Je dirais que c'est le spectateur qui voit ça. Okay. Fait que moi, au départ, c'est pas mon idée première. C'est en fait, c'est une finalité. C'est le résultat qui donne cet effet-là par rapport à la façon de travailler ou de créer l'œuvre. Fait que y en a qui disent que oui, c'est la cartographie de mon imaginaire ou des choses comme ça. Mais je dirais que c'est à cause de la façon que je travaille, en fait, l'alliance entre la sérigraphie, le dessin et la peinture, qui donne cet effet de cartographie-là. Pourquoi ça donne cet effet-là? C'est que, disons, dans le langage de l'estampe, si on veut, on a le mot matrice. Ouais. Puis, dans le fond, le dessin devient la matrice de la sérigraphie. Et la sérigraphie devient la matrice du dessin aussi, et la peinture aussi. Parce que l'objectif de cette expo-là, dans le fond, pour moi, c'était d'essayer de trouver une alliance entre le dessin, la sérigraphie et la peinture. Alors, je pense que j'ai réussi parce que, dans le sens que, au départ, je suis un peintre. Ouais. J'ai toujours commencé avec la peinture, puis avec le temps, ben, je suis rendue aussi forte, si on veut, en sérigraphie, et tranquillement, j'intègre le dessin. Alors, l'idée, c'était de créer vraiment des aspects positifs et négatifs de l'image, dans le sens que des fois, je prends des parties de la sérigraphie, je prends les contours de certaines formes, et après, je les superpose dans le dessin, disons, en noir et blanc, ce qui va donner un effet vraiment cartographique. Puis, ça crée comme des couches aussi, là. Ça crée comme, je disais, j'entendais, je pense, en entrevue avec Anne-Josée Cameron, Radio-Canada, tu disais vouloir faire des impressions, des sensations de flottement. J'imagine que ça, c'est toute toujours cette technique-là. Dans cette idée-là. Ben souvent, moi, je travaille beaucoup la couleur. Quand on rentre dans la galerie, on ne peut pas faire autrement. Là. C'est super. Et que l'idée, c'était vraiment de créer, oui, cet aspect de flottement-là. Le dessin, par sa légèreté, donne cet effet-là. Mais la couleur, travaillée en transparence, par couche, superposition de couches, donne cet effet-là. Fait qu'on peut facilement l'appliquer en sérigraphie, mais en peinture aussi, j'essaie d'appliquer cet effet-là pour donner vraiment une sensation, c'est ça, de légèreté, de flottement, mais aussi... par le flottement, c'est plus facile de donner le goût au spectateur de circuler dans l'œuvre, mais soit par les couches, mais aussi en avant, en arrière, par les différents plans de l'œuvre. Tu parles justement de circuler dans l'œuvre. Je pense que le grand format aussi, c'est cette idée-là, en fait, qui a guidé le grand format. L'idée du grand format, c'est vraiment que le spectateur ou la personne qui visite l'expo se sente absorbée, que sente l'échelle humaine aussi de mon travail, d'imaginer un peu tout l'effort, si on veut, physique de la conception, puis d'avoir envie de plonger dedans, carrément. Fait que c'est vraiment ça, l'idée, là. Tu parles de plonger, c'est drôle, hein, mais ça m'amène à penser, parce qu'il y a des œuvres qui sont par terre. Oui. Et je trouve que ça change vraiment. Oui. On en a déjà vu des œuvres par terre, mais dans ce cas-ci, je trouve que ça change vraiment le regard. Parce que, bon, j'ai parlé de cartographie au début, mais c'est on regarde comme en plan aérien, puis on se plonge, justement... dans les œuvres. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout la même vision de l'œuvre. C'est un peu comme un jeu. L'idée, c'était vraiment de jouer avec l'espace. Moi, je joue beaucoup avec les espaces dans lesquels j'expose. La galerie d'Engram est particulière, est très belle. Défi, hein? C'est un défi technique, elle est en pointe. L'idée, c'était vraiment de placer ça de façon assez asymétrique aussi, mais d'accentuer la pointe de la galerie et aussi de présenter les œuvres au sol et au mur pour avoir une espèce d'œuvre spatiale, si on veut. Je fonctionne comme ça depuis plusieurs années, mais c'est vrai que quand on garde l'œuvre au mur et l'œuvre au sol, les aplats sont pas les mêmes. On a envie de... C'est plus étrange. Disons qu'on n'a pas l'habitude de voir des œuvres sur papier au sol. Oui, effectivement. Ouais. Tu parles justement du lieu qui est important. Je lisais aussi que tu avais cette idée d'assembler les œuvres pour en faire une seule, une seule grande. Ben, en fait, chaque pièce est travaillée... Disons, je vais en faire plusieurs en même temps. Je peux travailler 10 œuvres en même temps. Souvent, quand j'en travaille une, l'autre à côté va être solutionnée par rapport à l'autre. Je vais trouver la solution dans l'autre œuvre qui est à côté. Fait que là, c'est travaillé comme un ensemble. Ouais. Et que c'est comme si je faisais une grosse famille. Fait que c'est vraiment ça. Mais chaque pièce est forte, comme un enfant dans une famille. Chaque pièce a son identité. Puis, mais l'idée, c'est vraiment de les présenter en équipe. C'est vraiment ensemble pour donner l'idée d'une œuvre unique. Mais elles vivent très bien seules aussi. Elles sont fortes seules. Puis souvent, les gens, bon, ceux qui veulent en acheter, évidemment, l'achètent en solo, ou fois deux, trois, ou une, ou deux, ou quatre. Ça fonctionne. C'est ça. Il agisse en fait un peu comme des variations. C'est ça. Sur un thème, sur une technique. Dans le fond, c'est tout à fait dans l'esprit de l'estampe aussi. Oui. Mais ce sont tous des œuvres uniques. Oui. Je travaille vraiment en monotype. L'idée, c'est vraiment de travailler avec l'idée de la multiple. Oui. Mais souvent, on voit les mêmes dessins qui reviennent, mais travailler différemment, les mêmes tâches. Mais chaque œuvre est différente. Il n'y a pas d'édition de 25 ou de 50. Non. C'est vraiment des pièces uniques. D'où, justement, parce que, bon, l'estampe, justement, on peut faire plusieurs éditions dans ce cas-ci. Là, on est encore plus aux confins, pas aux confins, mais au centre de l'estampe, du dessin et de la peinture, de cette unicité-là, justement, qui est peut-être plus affirmée. Oui, tout à fait. Et Oh, vas-y, c'est bon. On s'est comme, oh, OK, on a bien compris ce qu'on voulait se dire. On a parlé des couleurs en début d'entrevue, donc des couleurs qui sont vraiment... qui sont audacieuses, qui sont éclatantes. Qu'est-ce qui t'attire dans une palette comme celle-là? J'ai toujours travaillé la couleur de façon assez explosive. Depuis même à l'université, quand j'étais il y a 14 ans. Disons, en deuxième année, si t'avais participé à bord d'essai, ça aurait déjà été... C'est ça. La couleur, pour moi, a toujours été importante parce que c'est un véhicule... pour donner une sensation, vraiment, un feeling, une façon de travailler le lieu aussi ou l'espace. Et que la couleur, pour moi, c'est vraiment important. Mais je ne vois pas en quoi je pourrais... C'est essentiel pour moi. C'est vraiment un véhicule d'émotion ou de... C'est travaillé de la même façon que le dessin pour justement accentuer l'idée du travail de l'espace. Ouais. Parce que par la couleur, tu peux vraiment amener une texture, mais aussi, une circulation. Puis, tu parles de circulation. Je trouve qu'il y a des va-et-vient aussi dans les œuvres entre le dessin et la couleur qui ne sont pas nécessairement liées. Entre eux, tu sais, comme s'ils agissaient de manière indépendante, mais qui se répondaient parce que les couleurs sont pas nécessairement définies là, par un dessin auto, elles sont plus comme des taches ou des formes. Oui. Mais le dessin est souvent le dessin qu'on voit intégré avec les taches est souvent le contour des taches. Ouais. Et que ce qui est intéressant dans ça, c'est que souvent la personne qui va regarder l'œuvre le verra pas tout de suite. C'est dans l'observation et dans le temps de prendre le temps de regarder les œuvres qu'on prend conscience justement de « Ah, je reconnais la forme ou le négatif ou le positif ou cette espèce de mouvement-là de l'espace, encore une fois, par rapport à la tâche et le dessin. » Mais tout ça, là, je suis curieuse parce que tu as parlé tout à l'heure de ta technique qui est quand même assez longue, qui semble assez complexe. Disons, tu parlais de couches aussi, là, sur une œuvre moyenne, là, combien de couches on peut s'imaginer d'intervention? Ça dépend. La sérigraphie, ce qui est plaisant, c'est que quand tu maîtrises bien la couleur, c'est que avec trois couleurs, tu peux arriver à faire croire aux gens qu'il y en a beaucoup plus. Là. Il s'agit juste de bien doser et bien utiliser la transparence, parce que la transparence, ça l'amène beaucoup, beaucoup de richesse et justement de nouvelles couleurs. Oui, il y a quand même beaucoup de passages de couleurs, mais... D'intervention aussi, là, avec la ligne, le dessin, parce que des fois, on voit là, le dessin au graphite ou on le voit aussi au crayon de couleur. Oui, c'est vrai, parce que je réinterviens aussi souvent au graphite et au crayon de couleur, Prismacolor, parce que je trouve... Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de tromper. Qu'est-ce qui est sérigraphie ou qu'est-ce qui est dessin? Et aussi, la facture est complètement différente, le grain est différent. Oui, c'est ça. Donc, de loin, on le voit pas, mais il faut vraiment s'approcher. Il y a plusieurs degrés d'observation, si on veut, là, de l'œuvre. Là. Fait que finalement, j'aurais envie de dire que, ou d'interpréter ça de cette manière-là, j'ai l'impression d'avoir une série d'allers-retours, en fait, avec ces œuvres-là. Oui. Puis le spectateur doit les effectuer, mais toi également, tu les as effectuées. Oui, exactement. Voilà, Tania Gérard-Savoie. Je te remercie. Mais ça me fait plaisir. Donc, variété de lieux, de mondes et d'espaces possibles est présentée en grammes jusqu'au 16 février. On fait une pause audio, on écoute Arial Allegretto sur les ondes de CKRL. Et voilà, c'est déjà tout pour cette édition de l'aérospatiale. Aujourd'hui, ce qu'on a écouté en sélection musicale, c'est Weird Huff, Out of Control du distributeur Escape Escrec, en fait. Donc, une suggestion de Simon Roy. Je l'ai dit plus tôt dans l'émission, vous pouvez trouver le tout sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. J'ai pas d'événement spécifique à vous parler cette semaine, mais sachez que le milieu des arts visuels s'est éveillé à peu près d'un coup la semaine dernière. Donc, des nouvelles expositions un peu partout. On a parlé de la Galerie des arts visuels dans Gramme également, a vu Micah Goodfriend qui présente Snowbirds, un regard assez comment dire, intéressant sur ces Québécois donc qui vont passer l'hiver en Floride. Également, donc dans l'autre galerie de vue, André Barrette et Tristan Fortin, le Breton, sur la terre comme au ciel. À l'œil de poisson, l'installation de sculpture, architecture, peinture de Robert Tate, Always Somewhere Else, et Osvaldo Ramirez Castillo qui présente My Tyrant, My Protest, My Myth. À l'œil de poisson, il y en a bien d'autres, mais bon. On n'a pas le temps de faire le tour. Sur ce, ben, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Et restez sur les ondes de CKRL. C'est Gilles Chaumel qui s'en vient avec Folk d'Amérique.